Chanson de grand-père. Dansez, les petites filles, toutes en rond. En vous voyant si gentilles, les bois riront. Dansez, les petites reines, toutes en rond. Les amoureux sous les frênes s'embrasseront. Dansez, les petites folles, toutes en rond. Les bouquins dans les écoles bougonneront. Dansez, les petites belles, toutes en rond. Les oiseaux avec leurs ailes applaudiront. Dansez, les petites fées, toutes en rond. Dansez de bleuets coiffés, l'aurore au front. Dansez, les petites femmes, toutes en rond. Les messieurs diront aux dames ce qu'ils voudront. Victor Hugo.